La cérémonie consacrée à la Journée mondiale de la tuberculose a eu lieu le 23 mars au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont pris part les cadres du domaine de la santé publique et des unités intéressées, les représentants par intérim de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations unies pour l'enfance en Corée, des diplomates de différents pays et des officiels des institutions internationales à Pyongyang. À la suite des interventions, les participants ont vu les photos exposées et assisté à la représentation artistique de la troupe de propagande hygiénique des élèves. Par ailleurs, la campagne intensive de propagande hygiénique à cette occasion a eu lieu le même jour à la ville de Pyongyang et dans toutes les provinces.